Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le rêve, une réalité, une série de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a nos nuits qui nous échappent et notre inconscient qui s'emballe. Il y a cette fois où j'étais Laetitia Casta marchant sur la plage pendant que des centaines de dauphins alignés me saluaient joyeusement, et puis tous ces films qui sont comme des rêves projetés sur un écran. Alors pour commencer, les personnages. Une cinéphile qui décrypte, un compagnon de route qui se souvient, un ancien collaborateur nostalgique, une épouse lucide, un cinéaste songeur qui ment et qui a peur, et Picasso qui veille. Ensuite, le décor. 400 pages de songes, un divan, un train, une publicité, une conférence de presse, des coups de fouet et des femmes menaçantes, la mort, des plateaux de tournage et des décors. Aujourd'hui, 4e épisode, on est au cinéma. C'est vous, monsieur Bellini ? Fellini, mi chiamo Fellini. Bon, c'est vous qui avez demandé de voir le 435A série 12, Credo, je crois, oui. La direction vous a accordé l'autorisation pour une projection. Merci. Ammettiamo che sei la purezza. Que c'est la spontanéité. Tu as raison de rire. Une crise d'inspiration. Mais es-tu sûr qu'elle n'est que passagère, mon petit bonhomme? C'était l'écroulement final d'un tricheur qui n'a plus ni inspiration ni talent. Fuori dalle luci, dal set, dalla materializzazione di fantasie o di sogni. Loin de la matérialisation de l'imagination et des rêves. Des maquillages des acteurs, des ordres du metteur en scène, de cette atmosphère qui constitue le plateau de cinéma. Je me sens un peu vide, comme un exil. Loin de cet univers, tout peut m'arriver, tant je ne me sens pas destiné à vivre une existence normale. Le cinéma rêvé de Federico Fellini, un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. Je me souviens d'un rêve incroyable qu'il avait fait la dernière année de sa vie. Ce rêve aurait pu s'intituler « Disparu des disparus ». Lui, Federico, s'envoyait une lettre à lui-même. Je dois me délivrer un message à moi-même avec une certaine urgence. J'erre en effet à proximité de la porte du 35B Corso d'Italia, où j'ai mon bureau. La fenêtre est fermée, je dois donc être à l'intérieur, mais lorsque je vais appuyer sur le bouton de l'interphone, je m'aperçois qu'il y a à sa place une plaque de marbre avec une ouverture en haut, comme celle des boîtes à lettres. Au moment où je décide d'y glisser l'enveloppe ouverte, je me rends compte que la feuille qu'elle contient est complètement blanche et qu'un nom est écrit sur l'ouverture de la plaque. Disparu des disparus. Disparu des disparus, est-ce moi ? Un jour, je l'ai retrouvé assis à son bureau. Il avait encore son manteau, son chapeau et son écharpe, et il était en train de dessiner quelque chose sur une feuille d'un grand livre. Gianfranco Angelucci. Sur le côté gauche de son bureau, il y avait trois boîtes fermées à clé. La première contenait deux livres de rêve, la deuxième, le Yi King, le livre des mutations, qui était soigneusement enveloppé dans un tissu de soie noire. La troisième, des objets. Ces livres de rêve étaient ainsi tenus secrets. À la mort de Giulietta Massina, en mars 1994, survenue 5 mois après celle de son époux Federico Fellini, deux grands livres de 400 pages, constitués de dessins et de récits de ses rêves, sont déposés dans le coffre d'une banque romaine par ses 6 héritiers. Ces deux livres couvrent la période 1960-1982, plus des dizaines de pages volantes qui courent jusqu'à 1990. Reste un vide de 4 années, autour de 1970, qui laisse deviner l'existence d'un troisième livre, peut-être prêté à un chercheur américain, voire perdu lors d'un déménagement. Après la mort de Fellini, 2 héritiers cèdent leur part du livre à sa fondation. Les 4 autres parts demeureront la propriété des héritiers de Giulietta jusqu'en 2006, date à laquelle un accord financier sera trouvé. Le coffre s'ouvre enfin sur les carnets de rêves du cinéaste, 13 années après sa disparition. Merci. Sono felice. Ironie du sort, alors qu'il ne parvient plus à tourner depuis La Voce della Luna, son ultime épopée onirique, il met en scène en 1992 un dernier film, publicitaire, pour la Banca di Roma, tiré de l'un de ses rêves. Le rêve d'un homme infidèle, ficelé à une voie de chemin de fer par son amante. L'homme a beau se débattre, mais un train fonce sur lui inexorablement. Ce n'est qu'au moment du choc qu'il se réveille, dans le divan de son psychanalyste. Ah, aiuto! Aiuto! Caro amico, il timone della vita sta solo nelle nostre mani. La Banca di Roma però può essere provvidenziale nell'indicarle la rotta giusta. Segua il mio suggerimento e le sue angosce notturne saranno sconfitte. Buonanotte. Son psychanalyste Ernst Bernhardt est mort en 1965 à la sortie du film Juliette des Esprits. Leur relation avait été donc très brève, car elle avait débuté à peine quelques années auparavant, au moment où Federico travaillait sur le film 8 et demi. Ernst lui avait demandé de dessiner tous ses rêves, mais Federico était allé bien au-delà, car étant fondamentalement un peintre, il avait commencé par dessiner ses rêves avant de leur donner un sens et finalement une interprétation. La interpretazione del sogno che ha fatto. C'est grâce à son ami, le réalisateur Vittorio De Setta, que Fellini fait la rencontre du psychanalyste jungien Ernst Bernhardt au lendemain de la sortie de La Dolce Vita en 1960. Le cinéaste est en proie à la dépression, à des crises d'angoisse depuis La Strada en 1954. Sa rencontre avec Bernhardt va clore la veine réaliste des années 50. Marqué par la figure tutélaire de Rossellini et entrouvrir la voie à un nouveau langage. Fellini a 43 ans. En 1963, il va réaliser 8 et demi. Rêve du 6 février 1961. Au milieu des rires gras, des lazzi, des sifflets, un petit groupe de noctambules traîne d'une porte cochère à l'autre, sur des petites places et dans les ruelles du vieux quartier de Rome. Une longue échelle de pompiers. Tout en haut, quelqu'un est blotti. Et si c'était moi, le type, tout là-haut? Il me ressemble beaucoup. Enfin, il se balance dans l'obscurité de la nuit, léger comme un fantôme. Federico Fellini. Oui. 8 et demi était un film dont je pensais qu'il pouvait, pour moi, être libératoire sur certains problèmes de la création, de l'expression. Par contre, très heureusement, je m'aperçois qu'il ne m'a pas libéré du tout, parce que ces problèmes, c'est-à-dire la peur de ne plus se souvenir ce qu'est l'essence la plus secrète, la plus intime du film que je suis en train de faire, la peur de ne pas réussir à expliquer comme je l'ai envisagé, sont des peurs et des pulsions qui persistent même maintenant, qui sont présentes. Et je continuerai à raconter dans d'autres films également ce que c'est le drame heureux qu'est la création. Deux images m'apparaissent. La première, l'aviateur abandonne l'avion et plonge dans le vide avec son parachute. La seconde, le scaphandrier descend au fond de la mer. Quel avertissement me vient de mon inconscient? Abandonner l'avion, les idées préconçues, l'intellectualité, descendre au fond des abysses marins, au fond de l'inconscient, pêcher dans le gouffre inconnu de la mer et remonter avec les trésors, descendre dans l'inconscient. Excusez-nous pour cette invasion matinale. Comment allez-vous? J'aime beaucoup ce que vous faites. Ça me fait plaisir de vous connaître. Permettez? Voulez-vous découvrir votre bras? Comme ça, bien détendu. Quel âge avez-vous, monsieur? 44 ans. Eh bien, qu'est-ce que vous nous préparez de vous? Un autre film sans espoir? Respirez à fond. La scène finale de 8 et demi. Audrey Norcia. montre Guido. Donc Guido, c'est le personnage principal, donc le réalisateur, le double à l'écran de Fellini. Hein. Donc ce réalisateur en mal d'inspiration, il est forcé par son producteur à parler du film en cours de réalisation. Sauf que ce film, il ne sait pas de quoi il va parler. Il tourne autour depuis le début du film, 8 et demi. Il ne sait pas quel en sera le contenu, il ne sait pas qui en seront les interprètes. Et le producteur l'oblige à donner une conférence de presse. Et là, il se trouve qu'il y a un basculement très intéressant. C'est-à-dire que ce réalisateur, Guido Marcello Mastroianni, ne va pas réussir à affronter ce moment et va s'enfuir comme un enfant. Va se mettre à courir sous la table de conférence et à quatre pattes, comme un petit enfant. Et on retrouve souvent Fellini comme un petit enfant dans ses rêves. C'est assez intéressant de faire cette comparaison. Sauf qu'il va y avoir un moment un petit peu plus tragique, comme quelque chose qui fait basculer la scène, où Guido va sortir de sa poche un revolver. Ça, c'est le bouquet, il n'a rien à raconter. Oui, je vais parler, oui, tout à l'heure. Oui, sage. Guido, réponds, dis quelque chose. Courage, Guido. Allons, dis n'importe quoi. N'importe quoi. Fais-le pour moi. On entend un coup. Guido. On ne voit pas si Guido meurt. Est-ce que cette scène doit paraître vraisemblable et réaliste pour le spectateur, ou elle nous fait basculer dans une part de rêve et quelque chose de beaucoup plus onirique? Toutes les interprétations sont possibles. À quel moment je me suis trompé de route? Au fond, je n'ai plus rien à dire. Mais je m'obstine à le dire quand même. Mais toi qui es un peu sorcière, pourquoi ne demandes-tu pas à tes esprits de m'aider? Tu m'as toujours dit qu'ils étaient porteurs de messages pour moi, c'est le moment. Guido ! Guido ! On t'attend ! L'acmé de 8 et demi, c'est l'ouverture de cette grande plateforme de laquelle descendent tous les personnages du film, tous les figurants, mais aussi le producteur, les techniciens et les proches de Guido, c'est-à-dire sa femme, ses parents qui sont décédés, qui apparaissent à la fin du film. C'est vraiment la scène finale où Guido est au centre de la piste avec un mégaphone, comme Fellini dans son studio 5 à Cinecittà. Et il invite à tourner autour de lui et à danser, c'est très festif, tous les personnages de son imaginaire. Et c'est très caractéristique du cinéma de Fellini et aussi du livre de mes rêves, où se côtoient les personnes du quotidien, les personnes qui font partie de la logistique production des films de Fellini, les maîtresses, toutes ces figures-là apparaissent dans le livre de mes rêves. Et on voit à quel point 8 et demi est bien le point pivot, en fait, de cette pratique du rêve. 8 et demi invite à une nouvelle vision du cinéma pour Fellini. Oh, je voudrais pouvoir m'expliquer, mais je ne sais que dire. Tout redevient comme avant. Lumière ! Tout est de nouveau confus. Lumière ! Mais cette confusion, c'est moi-même. Allumez tout ! Moi, tel que je suis, et non celui que je voudrais être, et je n'ai plus peur. Dire la vérité, une vérité que je ne connais pas, que je cherche, que je n'ai pas encore trouvée, ce n'est que comme ça que je pourrais vivre et regarder sans honte tes yeux fidèles. La vie est une fête, nous la vivrons ensemble. Je ne sais rien te dire d'autre, Louisa, ni à toi, ni aux autres. Accepte-moi tel que je suis, si tu le peux. C'est la seule façon de nous retrouver. Je ne sais pas si ce que tu dis est juste, mais je veux bien essayer, si tu m'aides. 20 septembre 1974. Piazza Barberini, un plein jour, au milieu de la circulation. Je suis au lit, tout nu, avec Sandrocchia, nue elle aussi. Nous faisons peut-être même l'amour, mais personne n'y prête attention. Personne ne nous remarque, comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle du monde. Plus tard, Sandrocchia me dit « Quand je pense à toi, je me mets tout de suite à pleurer. Je pleure toujours quand je pense à toi. » Elle voulait me dire par là qu'elle m'aimait beaucoup. Sei bella, sai. Non rifiutarti. Qual è il tuo nome? Dimmelo. Rosalba. Rosalba. Amore, ti chiami. Amore. Amore. È questo il tuo nome. Lo sai? Io ti cerco da... Sempre ti ho... Bella. Bambina. Io sono una cosa un po' strana, perché sono un po' visione e un po' realtà. Per lei è la prima volta che fa un film con Fellini. Sì. Che cosa l'ha maggiormente colpita del regista? Per esempio mi dà sempre dei nomi. On lui donne toujours des petits prénoms, des surnoms, Claudia, Claudine. Vuole darci una definizione di Federico Fellini? Ma dire che un uomo molto intelligente, molto. C'est un homme très intelligent, très bon. Vede grande. Se Federico le desse anche una piccola parte, lei la farebbe. Farò tutto. Je ferai tout pour lui. La donna è proprio il pianeta sconosciuto. La femme est une planète inconnue. L'autre moitié de l'homme qui a besoin d'elle pour se compléter et accéder au bonheur. Ma proprio per questo è anche la parte di sé che ignora. Elle est aussi cette partie de soi qu'on ignore, une partie sombre qui attire et intimide. E intimidisce. Una balena femmina, guardate la sua bocca, vi invita ad entrare. Avete paura? Chi non entra nel ventre della balena non troverà mai il suo tesoro. Così dice l'antico libro della saggezza. Entrate. Il 20 settembre, le 20 settembre, il a rêvé de Sandra Milo, une actrice surnommée Sandrocchia, qui avait joué dans 8 et demi et dans Juliette des esprits. Giulietta degli spiriti. Ed era un'attrice di cui Federico il en était passionnément amoureux. Sono entrambi nudi in un letto in piazza dans son Barberini, rêve, ils sont cioè dans un lit, sur la place Barberini, une place de Rome très connue. E stanno facendo l'amore. Ils font l'amour. Quindi, improvvisamente, torna in campo. Ce rêve fait ressurgir dans sa vie cette femme qui a été importante pour lui, car il l'a rencontrée au moment où son psychanalyste lui demandait d'écrire tous ses rêves. Dato come prospettiva di scrivere tutti i suoi sogni. Federico, in quel periodo, subito ainsi dopo a-t-il vécu avec elle une histoire passionnelle juste après avoir terminé 8 et demi. Con Sandra Milo. Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Oh, mais si tu te voyais. Pourquoi es-tu? Oh, je crois que je ne pourrais jamais te tromper. Je ne pourrais pas supporter d'être constamment sur le qui-vive. C'est tellement ridicule de se cacher, de mentir. Ridicule et fatigant. Mais chez toi, au contraire, ça paraît facile. Écoute, Louisa, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venue me retrouver. Mais sois un peu indulgente, je suis très fatiguée, j'ai sommeil. Eh bien, dors. Sbrigati che la minestra si fredda. Bonne nuit. Vado a mare, non lo vedi? Che uomo straordinario. Scusa, ma lui ha bisogno di fare così. Lo fa quasi tutte le sere. Dans ce livre de mes rêves, qui couvre une très grande période puisqu'on a quasiment 30 années de dessin entre 1960 et 1990, on a la femme légitime et puis les maîtresses, les femmes qui fascinent Fellini et donc qui fascinent Guido dans 8 et demi. Et ce qui va donner la scène absolument grandiose du harem qu'on retrouve dans les rêves de Fellini, où il est lui seul entouré de femmes et de femmes plutôt menaçantes et qui tiennent un fouet. Donc le fouet est aussi un thème très, très fréquent, assez récurrent dans le cinéma de Fellini. Les femmes menaçantes, les femmes aguicheuses qui en veulent à la virilité de l'homme. Dans les films, l'homme peut reprendre le dessus, mais dans les rêves, souvent Fellini qui se met donc en scène entouré de femmes qu'il désire mais qu'il écrase et qu'il étouffe quelque part. Fellini, lui, est plutôt en situation de victime. Mais d'où vient cet éclair de bonheur qui me fait trembler et me redonne la force et la vie? Je vous demande pardon, douce créature. Je n'avais pas compris, je ne savais pas. J'avais juste à vous accepter et à vous aimer, comme tout est simple. Louisa, je me sens comme libérée. Tout me semble bon, tout a un sens, tout est vrai. Oh, je voudrais pouvoir m'expliquer, mais je ne sais que dire. Mais dites, il pèse, il réfléchit. Alors tu vas répondre, ton désordre, je l'ai acheté assez cher. Ta crise, ça fait des mois que je la paye. Si tu ne fais pas ce film, je t'étrangle. Vous allez enfin avoir satisfaction. Les journalistes ont toujours été un peu... Claudia, où es-tu? Que disent tes esprits, Rossella? Que dois-je faire? M'éloigner, disparaître? Tu ne seras plus jamais le même avec moi. Est-ce que je suis toujours ta femme? Quand m'épouseras-tu vraiment? Louisa, pourquoi veux-tu te séparer de moi? Pourquoi m'abandonnes-tu? Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai perdu le texte de ce rêve. Je refais le dessin. Je ne me souviens plus de la trame de ce rêve non plus. Le lieu est Rimini. Une fille aux grosses fesses qui pose à moitié nue. L'ombre à gauche, c'est moi, mais la silhouette qu'on entrevoit derrière la fenêtre grillagée, c'est moi aussi. Il fait nuit. À la scène du rêve, on entendait le ricanement trouble, un ricanement de loup, de la belle putain. Courage Guido, che deve entrare il ritmo e te, che ti accorda la parola. Asa, nisi, masa, asa, nisi, masa, asa, nisi, masa. si on feuillette les livres d'une façon rapide, comme ça, la sensation, la perception et l'angoisse... Mario Guaraldi. C'est pas le plaisir. Éditeur même italien du livre de Mireille. Même les plus sympas, les plus jolis, etc. sont toujours négatifs. Les femmes sont terribles, sont des monstres. Les coulonnes, les tétons, les grandes femmes, les seins, la poitrine sont... font des menaces, c'est pas la Lucianona avec ses grandes poitrines, les yeux comme ça, les lèvres, c'est et toujours avec une image des maladies, des morts à côté. L'exemple dans ces cas-là, c'est un rêve de 1962 où il y a une espèce de monstre gigantesque, une géante, une femme géante, monstrueuse, avec un grand clitoris. Qui s'assoit à chevaux d'un lit d'hôpital en face d'Epi, qui est une amie de Federico. Donc, les dessins de livres des rêves est beaucoup plus désagréable que les images de ces films. À tel point que quelqu'un donne cette interprétation sexuelle, érotique et buffonesque de Fellini comme prévalent, ce qui n'est pas vrai. Pas vrai du tout. Je vous dis par exemple que quand on a fait ça pour Amazon, on nous a interdit la mise en vente parce qu'il était porno. Le contenu est trop explicite du sexe, du livre de mes rêves. Donc transformer Fellini en auteur porno, il me semble vraiment quelque chose de misérable, hein, de vraiment misérable. Donc mon opinion est négative. Mais comme document pour les études sur Fellini dans le futur, c'est impressionnant la quantité de matériaux qu'on trouve dedans. Une femme géante, très belle, très blonde, revêtue d'une robe aguichante qui découvre sa poitrine opulente, apparaît dans mes bureaux. L'air effaré, elle me crie « Il faut s'envoler d'ici, Federico ». Pierre Klosowski. J'essaie de me hisser jusqu'à elle pour quitter d'un élan cet endroit désolé qui me semble être en ce moment mon bureau. Pourtant, je suis là, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir le coup. « Fais confiance à l'air nocturne », dit encore la belle géante, prévenante, maternelle. « L'air nous soutiendra pendant notre vol ». Elle me soulève dans ses bras, nous marcherons à quatre pattes le long des murs, dans les couloirs obscurs, en attendant le moment favorable pour bondir. Cependant, quelque chose de blanc et de mou pend de ses bras, c'est un pigeon inanimé, peut-être pas un pigeon tout à fait, en tout cas c'est un oiseau mort, le cou tordu, la tête pendante. À cette vue, ma peur augmente, je sais que la belle géante est sur le point de s'envoler, que d'ici peu, elle disparaîtra toute seule dans les airs. Il faut être pendu, suspendu, sur la femme, toujours. Jusqu'au moment que la femme, elle devienne encore une fois plus femme encore, et que c'est la mort. Scène 34, 13 prima. Guarda la mano lentamente, Ferenzo, sorridi. Prendila. Es waren zwei Königskinder. Abbassa lentamente la testa, Fiorenzo, sorridendo, sorridi. Giulietta Massina. Sì, è timido. È bugiardo e timido. Il menteur est timide, c'est la même chose. Il dubbio in persona. Il est le doute en personne. Però è bugiardo perché la bugia per lui. Il est menteur parce que le mensonge n'en est pas un pour lui. C'est une fantaisie, une façon de voir ce que les autres ne réussissent pas à voir. Sì, come vivi? Guarda da là, tu hai fatto benissimo, cioè guardi da là, giri l'occhio così e ti trovi originale. Pronti? A posto? L'attitude è celle d'un voyeur, c'est-à-dire entrer dans l'inconscient de Fellini, il faut le faire à un point de pied, avec un respect, avec un... ça donne des frissons. Voir le monde intérieur de Fellini et entrer dans les rêves comme je l'ai fait en tant que lecteur, ça me provoque une espèce de vertige. 5 février 1965. Hier soir, je terminais le film « Juliette des esprits ». Cette nuit, je fais ce rêve. Le vieil éléphant aveugle est devenu inutile au cirque. Selon l'ancienne tradition, on le tuera publiquement au milieu de la piste. J'ai entendu parler de cet usage, qui remonte à Dieu sait quelle époque, Mais quand le grand éléphant, ignorant de son art, est conduit sous la tente, que le garçon de piste lui attache rapidement la trompe par terre, tandis que d'autres le maintiennent immobile en le tirant par ses immenses oreilles, et que tout est prêt pour la mise à mort, je ne me sens pas le courage d'assister à la scène, et je sors de la tente. There is a lady, maestro, who needs to see you. Yes, yes. Say to her to come in, alone. La signora di nome Giulietta può entrare. Ma lei sola. C'est Juliette, on ne sait jamais si elle est en plein rêve ou si elle est éveillée. Les personnages qu'elle rencontre, sont-ils palpables ou complètement fantasmagoriques? C'est-à-dire que dans 8 et demi, Guido Fellini, on va dire comme ça, cette espèce de duo masculin, s'éparpille entre toutes les possibles conquêtes féminines, mais il y a la présence très stable et très rassurante de Louise à Anouk Aimée, qui est là dans la séquence du harem, même comme une mère bienveillante. Et on retrouve ce statut que Fellini accorde à Juliette dans les rêves. Juliette est très souvent représentée et présente dans les rêves de Fellini, et il y a une vraie culpabilité en effet de Fellini envers sa femme, envers les trahisons réel ou juste fantasmé, hein, qui pourrait avoir vis-à-vis d'autres rencontres féminines. Juliette est malade, elle a une tumeur. Quelques mois à vivre. Quelle douleur, quel effort de transcrire ce rêve. Les éternelles angoisses, les éternels remords. Et tout à coup, on trinque au champagne. Tumeur et champagne. Mort et toast de vœux. Comme on célèbre non pas une mort, mais une naissance. Peut-être que le sens du rêve est justement le suivant. Mort de la phase Juliette, remords, et naissance d'une nouvelle phase. Ah, comme j'y serai heureux. Comme si avec Juliette, il avait permis à sa propre épouse, puisqu'en plus elle incarne le rôle, donc c'est quand même une espèce de mise en abîme assez forte, de lui dire, eh ben, et toi, de quoi rêves-tu? Et quels sont tes fantasmes, tes désirs? Là, je te laisse la parole. Bon, c'était pas aussi simple que ça, parce qu'il a été apparemment assez dirigiste quand même sur le tournage. Elle aurait voulu avoir un rôle peut-être plus sensuel, et lui, voilà, l'a confiné à un rôle de femme, de bourgeoise, qui hésite entre deux mondes, entre la respectabilité d'une tradition italienne, bourgeoise, voilà, bien un confort social et ce délire de érotique que lui suggère un autre personnage féminin dans l'histoire, qui est Sandra Milo, qui était la maîtresse de Fellini dans la réalité. Donc il y a quand même quelque chose là. Je ne comprends pas. Il rencontre la fille qui peut le faire renaître, lui redonner goût à la vie, et il la repousse. Parce qu'il n'y croit plus. Parce qu'il ne sait pas aimer. Parce qu'il n'est pas vrai qu'une femme puisse changer un homme. Parce qu'il ne sait pas aimer. Parce que je me refuse à raconter une nouvelle histoire mensongère. Parce qu'il ne sait pas aimer. Pardonne-moi, Claudia, de t'avoir fait venir jusqu'ici. Ce que tu peux être tricheur, dis-le. Mon rôle n'existe pas. Non, tu as raison. Ton rôle n'existe pas. Le film n'existe pas. Il n'existe rien nulle part. Pour moi, tout pourrait finir ici. Andiamo, tira su. Sorridi, Sandrina, hai paura. A posto. In Italia on appelle 7 les lieux dans lesquels on tourne. Paolo Fabri. C'était à Cinecittà. Ancien directeur de la Fondation. Très souvent, il se réveillait le matin, il dessinait, et très souvent, il partait avec le dessin lui-même pour réarranger entièrement le set cinématographique qu'il avait laissé organiser d'une autre façon pour le mettre à l'odeur pif du nouveau rêve, qui fait qu'on a plusieurs photographies du set, mais qui sont contradictoires parce qu'il les a fait refaire entièrement, ce qui coûtait énormément, ce qui déplaisait profondément à ses producteurs et qui plaisait énormément aux gens. Ce qui fait qu'il y a eu un moment où les gens venaient et le set de Fellini était fréquenté comme un grand théâtre. Il y avait des artistes qui venaient, il y avait des, des célèbres metteurs en scène de cinéma, mais il y avait aussi des curieux qui venaient, et c'était le spectacle de voir Fellini qui réarrangeait entièrement son histoire, ce qu'il a refaisé en entier, sur le mode du rêve du jour avant. Donc tout le monde était prêt, avait redistribué l'espace. Il arrivait le matin, il avait rêvé, il a dit bon, on enlève tout ça et on l'a refait. A posto? A sedere adesso? Ma no, gli ho detto adesso, Gérard, che deve alzarsi quando sente che quello dice un avventuriero di cui santo parlato. Il fait nuit. Sur la minuscule terrasse enfuie dans une forêt d'autres terrasses qui la surplombent de tous les côtés, au milieu de façades d'immeubles sans fenêtres, de toits hérissés de cheminées, de campaniles et de tours. Je n'arrive pas à faire un pas. Ça, c'est une chose assez curieuse. C'est un rêve dans lequel il est en train... Vous vous rappelez la fin de 8 et demi. On voit, de l'autre côté d'un fleuve, une fille qui est le symbole de l'innocence. Or, lui et un autre personnage sont en train de l'amener au bordel. Il rêve d'amener au bordel le symbole de l'innocence qu'il a créé dans son film 8 et demi. Et ils se sont très coupables. J'ai pas compris grand-chose à ton personnage. Pour moi, cet homme, tel que tu le dépeins, cet homme qui n'aime personne n'est pas digne de pitié. La faute est en lui. Il n'a rien à attendre des autres. Vraiment? Mais tu crois peut-être que je ne le sais pas. Voilà que tu deviens assommante, toi aussi. Ah, on ne peut vraiment plus rien te dire. Tu es comique avec ce drôle de chapeau. Tu as l'air d'un vieux. Schifose, maledette. Dannate puttane. Voi disonorate il nome di tutte le donne. Via! Federico diceva, il sogno non mente mai. Fellini disait, le rêve ne ment jamais, tu peux te fier entièrement au rêve. Fellini dans ses films est très érotique. Il est le seul à avoir introduit sans aucune censure la psychanalyse dans ses films. In tutti i suoi sogni, le due donne che sono continuamente presenti sono da una parte Giulietta. Dans tous ses rêves, deux femmes sont toujours présentes. L'une est Giulietta, qui représente sa foi, son optimisme. L'autre est Anna Giovannini, qui serait comme sa seconde femme, et qui est prépondérante dans le livre des rêves. Nel libro dei sogni. Nel libro dei sogni ci saranno perlomeno 40, 50. Il en a donné presque une quarantaine de représentations, car il projetait sur elle son sens même de la créativité. Il senso stesso della sua creatività. Uno dei sogni più belli con la Giovannini. Dans l'un de ses rêves les plus beaux avec la Giovannini. Proprio nel sesso, nella vulva della sua amante. Fellini est en train de regarder la vulve de son amante, qui a ingurgité toutes les pièces d'identité de lui-même. Identità. Ce qu'elle nie, rejetant toute responsabilité, mais c'est bien dans cette vulve ouverte que Fellini cherche son identité. Et anche in Casanova, il momento in cui lui finalmente décide quand il décide de réaliser Casanova, sempre Anna Giovannini che compare. C'est toujours à Anna qu'il pense, déesse Pomona qui lui donne ses nutriments et lui permet de faire ce voyage. Dunque, non c'è una visione Fellini di tipo, ne livre diciamo pas così, une vision pornographique de la sexualité dans ses films. Il montre ce que la femme représente pour lui. La, veramente l'atteggiamento più adoptant une attitude plutôt transgressive, révélatrice de ce qu'il y a de plus profond en lui, lui de ce à quoi il ne peut échapper. C'est ce que son cinéma a toujours raconté. Questo. Allez, Matt, monte. Et qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu n'es qu'un malheureux, tu n'es qu'un pauvre type. Tu finiras tout seul, tout seul! Un jour tu comprendras, ce sera trop tard. Si je te quitte, tu crois que tu trouveras une femme pour te supporter. Et alors, qu'est-ce que tu feras de ta vie? Tu crois que tu trouveras une femme qui t'aime comme je t'aime? Il y a quelque chose dans les essais qui t'a fâché. Il ne s'agit que d'un film. Oh, je sais mieux que tout le monde qu'il s'agit d'un film. d'une invention, d'une simple fiction, même si tu as tout mis dedans. Mais la vérité, c'est autre chose. Il n'y a que moi qui la connais. Tu as de la chance parce que je n'aurai jamais l'impudence de la raconter comme toi tu le fais. Mais fais-le! Fais-le ton film! Non, je... La bouche tenacement un pâté de merde. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mangé. Mes dents, mes gencives sont recouvertes de caca élastique que je n'arrive pas à cracher. Penchée sur la visionneuse, je tentais, à l'aide d'une brosse à dents, de me libérer la bouche de ces selles dégoûtantes. Blasetti et De Laurentiis excitent en la taquinant avec des bâtons une bête sauvage enfermée dans une cage de cirque. Musique, maestro. Et dans ce rêve du 22 janvier 62, Fellini est à table avec Picasso, et c'est vraiment Picasso qui occupe le premier plan de cette scène. Il y a deux autres convives apparemment, mais simplement esquissés, ce sont deux silhouettes noires, on n'en sait pas plus. Et il y a des verres de vin posés sur la table, il y a une bouteille de Chianti, et Picasso de profil, sûr de lui, attablé, les mains posées sur la table, en bermuda, en chemise ouverte, en espadrille, et qui s'entretient de façon très chaleureuse avec Fellini et son épouse. Fellini dit ceci: « Juliette et moi sommes invités dans la maison de Picasso. Nous y sommes très bien. On mange et on boit dans la joie. Tout est simple, familier, antique. Quelle paix, quel réconfort. » Picasso n'arrive pas par hasard dans les rêves de Fellini. C'est toujours à des moments de grandes difficultés pour Fellini, pour l'inciter à aller de l'avant, à ne pas abandonner son idée initiale. Donc c'est le cas en 62, il va se mettre donc à l'élaboration de 8,5. C'est quand même un sujet dangereux, puisque c'est la mise en scène de la difficulté de créer. C'est quand même une grande nouveauté pour le cinéma de dire à quel point il est difficile d'accoucher d'une œuvre qui ne dit rien, si elle ne dit rien d'autre qu'elle-même. Et Picasso apparaît à ce moment-là. Et il va progressivement occuper toute la place du dialogue, puisque dans le rêve de 67, on voit Picasso assis qui parle. Fellini, lui, est réduit à une simple silhouette. Et enfin, dans le dernier rêve de 80, Fellini a disparu. Il n'y a plus que Picasso, et Picasso qui parle et qui parle pendant des heures. Et c'est réellement la place symbolique que Picasso, en tant que peintre et génie du XXe siècle, occupe dans l'esprit de Fellini. Juillet 1980. Je rêve de Picasso. Un peu plus mal fichu, usé, mais toujours plein de vitalité, qui n'arrête pas de me parler. « Ne sois pas distrait, me dit-il, comme s'il lisait dans ma pensée lorsque je me force de scruter sur son visage et dans son regard les signes de sa décadence. Parlons, ou plus exactement, écoute-moi, c'est moi qui vais parler. » Et il continue de parler, de raconter avec ferveur, comme un maître et un ami. Son apparition a quelque chose de spectral, mais sa figure est très gracieuse, gaie, délicate, féminine, romantique. Il semble qu'il s'agisse d'un artiste. Est-ce moi? Moi, comme je suis vraiment? Un adolescent mystérieux, délicat, ironique et spectral. Picasso est là comme un père protecteur, un guide spirituel, un dieu, hein. Pas peur du terme. Picasso, c'est le génie absolu, c'est l'artiste, le démiurge qui est capable de tout et qui jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, a créé sans concession. Et ça, il le dit très bien, Fellini, dans l'interview qu'il a donnée à Damien Pettigrew, « Je suis un grand menteur ». On l'interroge en lui disant « Que pensez-vous du Picasso des dernières années ?» Et même, on a critiqué les films de Fellini des dernières années en le comparant aux peintures que certains qualifiaient de bâclé du dernier Picasso. Eh bien, pour Fellini, non, c'est un hommage. C'est plutôt très flatteur de pouvoir être comparé à Picasso, parce qu'il dit que, comme lui, il n'a jamais fait de concession, que jusqu'à la fin, il a dit ce qu'il avait à dire avec sa propre écriture, avec son art, qui est le cinéma, mais comme Picasso, pardon, avec la peinture. Et c'est intéressant de voir qu'il choisit cette figure assez autoritaire, quelque part, de Picasso, qui est un artiste sûr de lui. y a eu un rêve où Fellini se sentait perdre pied dans l'eau, se noyer, puisque Fellini ne savait pas nager. Et il avait vraiment cette hantise de l'eau, cette phobie, parce que dans les rêves de Fellini, il y a toujours cette peur de la noyade. Et il se trouve soit dans l'eau, où il tombe, où il est dans des profondeurs, il est attrapé par des monstres marins. Et un jour, une nuit, où il se réveille en train d'être aspiré par les fonds, Picasso lui est apparu de dos et l'a incité à poursuivre sa nage. Et donc Picasso entraîne Fellini dans sa nage et va l'aider à aller de l'avant. Et dans le rêve, il lui dit « Continue, regarde droit devant. » « Oh étoile, répondez-moi. Oh, criez-le des profondeurs de la voûte céleste que l'heureux mortel qui possède cette merveilleuse créature est Giacomo Casanova, lui seul. » « Ah, monsieur Casanova, que faites-vous dans le noir ?» Oh, cher ami, comme j'ai peur. J'ai peur de mon bonheur. Oui. La mort che invoco è un bizzarro gioco. Assomiglia un fuoco che mi prende ma accende. Casanova è un film del 1976. Casanova est un film de 1976 et c'est aussi le premier film que j'ai suivi avec lui professionnellement. C'était une période étrange et très importante pour Fellini. En fait, plus il plongeait dans la lecture des mémoires de Casanova, plus il les trouvait ennuyeuses. Ce n'étaient pas des mémoires d'écrivain, mais celles d'un collectionneur qui enfilait des informations générales, ne parlait en aucune manière de l'homme et avait tendance à répéter toujours la même chose. Le personnage de Casanova lui était en fait vraiment antipathique. C'est à ce moment-là qu'il dessine le rêve suivant. Son organisateur, Clemente Fracassi, lui offre la possibilité de tourner Il Mastorna, une histoire qui devait se dérouler dans l'au-delà. Il faut savoir que Mastorna a été pour Federico un projet presque fatal, car il est tombé gravement malade à ce moment-là et ne s'en est sorti que par miracle. Le rêve signifiait donc que le projet de Casanova pouvait porter malheur. Che è venuto fuori il mondo con gli alberi, le nuvole, gli uomini uno alla volta di tutte. La première page où il parle, il dessine aussi ses projets de Mastorna et de la fin de 1965. L'image est emblématique. Il y a un bras qui sort d'une cheminée allumée avec un paquet de cartes blanches. L'écrit. Donc c'est une invitation à écrire les films. C'est le premier rêve où elle parle d'une manière explicite du film. J'ai voulu raconter les voyages de Mastorna dans la mort. J'ai cherché d'ouvrir la porte interdite. Maintenant, elle se referme et elle m'opprime. La chose intéressante, c'est que la dernière image qui arrive exactement 13 ans après... C'est l'autre image très belle à mon avis. Là, les dessins sont très élaborés parce qu'il y a lui, on voit Fellini dans son grand lit avec Giulietta Masina à côté à sa gauche, en face de lui une espèce d'écran qui projette les films Mastorna qu'il n'a jamais réalisé. Mais l'intéressant qu'il dit, je demande de voir Mastorna, lui. Effectivement, lui, sa figure, les personnages que je ne peux pas prendre, toucher, et qui, depuis 20 ans, m'obsession. Il doit se libérer de toutes ces questions affectives et d'angoisse. Un train avec Buzzati. À l'arrivée, nous nous apercevons tous les deux qu'on nous a volé nos sacs qui contenaient les scénarios du Mastorna. On me dit, toujours les mêmes petites sorcières, je suis en train de changer de peau. Cette inertie, cette léthargie sont nécessaires. Je dois me tuer, disparaître, renaître. Ah, je t'interroge encore une fois, gros livre savant et sage. Quelle est, dis-moi, quelle est ma situation ? Federico est même allé pousser la porte d'un grand magicien, Gustavo Roll, pour savoir s'il pouvait se mettre en relation médiumnique avec Casanova. La séance n'a pas modifié le sentiment qu'éprouvait Federico envers Casanova. Elle l'a même plutôt amoindri. Casanova lui aurait en effet donné sur le plan sexuel des conseils qui lui auraient déplu, notamment en lui disant qu'étant donné son âge, il n'était plus capable de faire l'amour debout, ce que Federico a évidemment mal pris. Il faut dire quelque chose sur Roll. Il n'était pas un charlatan. Il était un personnage très, très connu, très, très sérieux. Il était... Il avait effectivement, tout le monde l'a dit, des pouvoirs paranormaux. Et Fellini les consultait régulièrement. Il faut comprendre la partie que la magie avait dans la vie de Federico et qui était la partie négative de son besoin de Dieu et de connaître les mystères par excellence qui est la mort. La cosa strana è che sul Casanova. Chose étrange, dans le livre des rêves, presque 30 pages parlent de Casanova. Ces rêves intenses donnent un aperçu impressionnant de la créativité de Fellini sur ce sujet. La creatività di Federico rispetto a questo soggetto davvero impressionante. Quasi due anni prima che Fellini fa. Presque deux ans avant Casanova. Fellini exécute un dessin de lui-même dans une toile d'araignée avec inscrit à côté de lui et en majuscule « emprisonné » avec un point d'exclamation. Cela signifiait bien qu'il se sentait emprisonné dans ce projet. Lui si sentiva imprigionato dal proprio progetto. Cerca una spiegazione consultando i King. À la suite de cette réponse onirique, il a consulté le Yi Qing, livre des mutations, pour y chercher une explication. Il a ainsi dessiné les hexagrammes du Yi Qing que lui rapportent les rêves successifs et signifiant l'innocence et le travail. Désespéré, j'ai fait un énième Yi Qing. Que dois-je faire? Voici l'extraordinaire réponse. 6 à la deuxième place. Il faut faire son travail par amour du travail. Et sans se préoccuper du résultat. Le 25 est l'innocence. Le 10 est la continuation. Il suono put. Put. Il suono foot. Put. Il suono. Et lui assegna sul libro dei sogni. Il rajoutera dans son livre des rêves réponse merveilleuse. Ainsi faut-il travailler pour l'amour du travail et non pour le résultat. Cioè per la prima volta lui concepisce il fatto che sarà il lavoro. Fellini comprend alors que le travail le sauvera. Une idée qui sera partie intégrante de son art jusqu'à sa mort. C'est comme un enfant, il pose à Yi Qing des questions. Les réponses desquelles il les connaît à l'avance, évidemment. Casanova va-t-il rentrer, va-t-il apparaître dans un grand salon luxueusement décoré, en style XVIIe siècle? Gazman et moi attendons que Casanova apparaisse à cette porte et qu'il rentre. Voyons un peu à quoi ressemble ce bouffon. Dites-moi la vérité. Giacomo, vous possédez la fameuse pierre. Et avait la faculté de communiquer avec les esprits des quatre éléments. Non. Giacomo, je vous implore. Aidez-moi à l'accomplissement du grand œuvre. Je dois mourir. Et au moment de ma mort, je serai transformé en homme. Homme qui pourra vivre éternellement. Sono venuta per non andare via più. Voglio far ordine. Voglio far pulizia. Voglio far pulizia. Se tu fossi stato con Fellini, si tu étais avec Fellini dans sa voiture, il suffisait de quelques minutes à peine pour qu'il te demande à quoi tu avais rêvé. C'était sa manière à lui de te connaître. Même s'il était plus nuancé sur le fait que la vie onirique n'était pas plus importante que la vie quotidienne, il estimait que pour comprendre la vie de tous les jours, rien ne pouvait se réaliser sans elle, et vice-versa. Il a inventé un langage qui n'existait pas. La psychanalyse pouvait être intégrée dans des cas cliniques traités par Hitchcock, mais elle n'était ni un sujet, ni une partie de l'histoire. Il n'y a pas de censure dans les films de Fellini parce qu'il y rapporte son propre inconscient. C'est le seul à ne pas avoir de trame. On passe d'une image à l'autre par un jeu d'association et Fellini s'accorde la liberté de jouer avec. Dans La nave va, deux femmes regardent le coucher du soleil. L'une d'elles dit « Quel beau coucher, il semble une illusion ». Cela signifie bien que pour Fellini, l'unique possibilité de vérité est dans la fiction. Plus tu sauras feindre, plus tu réussiras à transmettre la vérité. Mais si tu n'arrives pas à faire sortir la colombe du chapeau comme le magicien, tu ne seras pas capable de transmettre. C'est cela le langage des rêves. Quand je disais à ma mère, « Oh, je voudrais avoir les yeux bleus, célestes, bleu. Non ?» Et peut-être que tu peux avoir les yeux bleus. Tu regardes le ciel très fort et tes yeux deviennent bleus. Mais tu après ne te dois pas regarder à le miroir parce qu'il devient encore noir. Alors je me rappelle que quand j'étais enfant, j'ai regardé le ciel et j'avais les yeux bleus. Le cinéma rêvé de Federico Fellini, avec Gianfranco Angelucci, Audrey Norcia, Mario Guaraldi, Paolo Fabri. La voix de Francesca Fossati et Antoine Viossa. Prise de son, Christophe Papon et Arthur Gerbeau. Mixage, Manu Couturier. Archivina, Aude Vassan. Documentaliste, Antoine Vuloz et Anne-Lise Signoret. Attaché de production, Marivonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Merci à Miro Gori, Piero Meldini et la Cinémathèque de Rimini. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez. Rêveuse, songeur, insomniaque ou somnambule, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter au cinéma, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons explorer la question de l'usage de la force par la police. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, une vie, une œuvre et l'expérience.